Ouais, j'ai... oui, au boulot. Non, mais c'est ma femme qui vient manger. On n'a pas un chat ce soir. Et là, je suis en train de tester une nouvelle table de mixage à l'Essis que j'ai achetée. En enregistrement, c'est fabuleux. Et repasser par la sono en guise de table de mixage de départ, putain, ça envoie méchant. Hein. Ah ben, c'est la fin du mois et c'est normal, il n'y a pas... Ouais, c'est là, ça c'est les gens qui fait ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup là, hein, réellement. Tada, tada, tada, tada. Je peux la régler comme je veux à peu près, quoi. Enfin, je la découvre. Par contre, mis en amont de ma Sono Yamaha, putain, oh la vache, les vitres elles explosent. Là, il n'y en a plus du tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, ils sont hyper sensibles, les potards, c'est pas évident.